premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, le documentariste Ken Burns et l'historien Pierre Grosser. À l'occasion de la diffusion sur Arte de la série documentaire en 9 épisodes de Ken Burns et Lynn Novick, la Fabrique de l'Histoire se retourne donc sur ce conflit majeur du XXe siècle, tant par son importance géostratégique que par ses conséquences culturelles et sociales. Nous vous parlerons demain, par exemple, dans un documentaire de la façon dont la propagande s'est mise en place, mercredi des images de cette même guerre et jeudi des héritages stratégiques qu'a pu avoir justement cette guerre du Vietnam pour le reste du monde. Nous débutons l'émission par un entretien avec le réalisateur Ken Burns aujourd'hui. Puis nous recevons avec Anaïs Quien l'historien Pierre Grosser, professeur agrégé détaché à Sciences Po, qui dans un livre paru cette année chez Odile Jacob nous explique l'importance de l'Asie dans l'histoire des relations internationales au XXe siècle. Il s'intitule « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». Et pour commencer justement cette émission, donc je vous l'ai dit, un entretien avec Ken Burns, l'auteur avec Lynn Novick d'une fresque documentaire impressionnante par son choix d'archives, en particulier des archives audiovisuelles, mais aussi des archives sonores enregistrées en cachette, pourrait-on dire, dans lesquelles on entend les présidents américains discuter à partir de demain, mercredi et jeudi, trois épisodes à la fois sur Arte. Le retour a été presque aussi traumatisant que la guerre elle-même. Pendant des années, personne n'a parlé du Vietnam. On était amis avec un jeune couple, et ce n'est qu'au bout de 12 ans que nos deux femmes, en discutant, se sont aperçues qu'on avait tous les deux été Marines là-bas. On n'avait jamais dit un mot à ce sujet, on ne l'avait jamais évoqué, et c'était la même chose dans tout le pays. Le sujet divisait trop. C'était comme vivre dans une famille dont le père est alcoolique. Chut, faut pas en parler. Notre pays a fait pareil avec le Vietnam. Ce n'est que très récemment que les baby-boomers ont commencé à dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ken Burns, bonjour. Vous continuez avec Lynn Novick votre travail sur l'histoire américaine. Mais vous êtes arrivé avec la guerre du Vietnam aux 50 dernières années de cette histoire. Quelle différence avec vos séries les plus anciennes dans lesquelles vous exploriez soit la guerre de sécession ou encore les expéditions d'exploration de l'Ouest américain par Lewis and Clark? Il me semble que vous évoquez le grand dilemme de l'histoire. Plus on est éloigné d'un événement, mieux on est placé pour bien tout percevoir. À la lumière de nouvelles connaissances, de nouvelles études, on arrive à bien cerner notre compréhension des choses. Pour moi, il était important d'attendre une quarantaine ou une cinquante ans pour attendre la fin de la participation américaine dans cette région, pour profiter de ces nouvelles connaissances, pour remettre les choses en perspective. Par conséquent, je me sens tout à fait à l'aise dans cet exercice. Évidemment, on utilise des supports et des outils différents. Avec Lewis and Clark, on n'a que des dessins, des peintures, des paysages. Avec la guerre de sécession, on a de vieilles photos. Là, pour la guerre du Vietnam, on a des photos, du film et même les souvenirs des participants à cette guerre. Ce qui distingue notre travail, c'est que nous avons choisi de raconter l'histoire non seulement du point de vue américain, qui est ce que font les Américains de manière classique, mais on voulait également raconter l'histoire du point de vue nord-vietnamien et sud-vietnamien, pour ainsi mieux comprendre ce qui s'est passé. Et vous avez des témoins, et cela, c'est important pour vous. It's very important. Now, C'est très important. D'une certaine façon, ce projet me rappelle le film que j'ai fait sur la guerre de Sécession. En effet, on a pu avoir le point de vue du Nord et du Sud. Là, on a le point de vue des États-Unis et le point de vue des Vietnamiens, du Nord et du Sud. Ce ne sont pas des acteurs, des comédiens qui lisent des journaux intimes ou des articles de journaux. Non, ce sont des entretiens que nous avons eus avec des gens qui ont vécu les choses, et cela se fait sans intermédiaire. Cela dit, il y a des nuances, parce qu'il faut bien gérer toutes ces nuances et toutes ces complexités. C'est un petit peu comme un roman russe, si vous voulez, une espèce de grande épopée avec de nombreuses strates, avec un point de vue d'en haut, un point de vue d'en bas. Et il y a de grands personnages, il y a les personnages secondaires, les personnages ancillaires, les petits personnages, les figurants, qui vont et viennent et qui passent parfois quelques instants à l'écran. C'est ça, le grand défi pour nous, pour le Vietnam, parce qu'il faut raconter l'histoire de cette façon-là. C'est comme pour la guerre de Sécession, il faut relier tous ces personnages et tous les événements dans un récit cohérent. Ken Burns, vous commencez cette série sur le Vietnam diffusée sur Arte par la guerre d'Indochine. Quel lien faites-vous entre la guerre française en Indochine et la présence américaine au Vietnam ? Well, it was stunning to me to find out how extraordinarily linked they were. In fact, j'ai été frappé de voir à quel point les deux étaient si intimement liés. Comme vous le savez, le premier épisode de notre série est intitulé « Déjà vu ». En effet, il me semble que tout ce qu'allaient connaître les Américains a déjà été vécu par les Français. Et ça, nous l'utilisons comme moyen pour préparer les téléspectateurs à la suite. L'épisode 1 nous permet de mettre en place tous les personnages géopolitiques, ça permet de comprendre que tout était pareil. Les Français avaient mis au point un programme intitulé Pacification. Par la suite, les Américains ont lancé Pacification. Il y a eu de la frustration et beaucoup de mécontentement parce que les choses n'avançaient pas. C'était vrai pour l'Indochine, c'était vrai pour la guerre du Vietnam, pour les Américains. On a permis aux Vietnamiens de prendre l'ascendant. Ça n'aurait pas été possible sans l'assistance française. Par conséquent, les Français ont connu l'enlisement en Indochine. S'agissant des Américains, ça s'est appelé la vietnamisation du conflit. Il y avait des groupes de soldats français isolés qui étaient attaqués par la guérilla vietnamienne. Ça a créé beaucoup de ressentiment de la part des soldats qui ont écrit de nombreuses lettres désespérées. L'opinion publique française a vécu ce ressentiment, tout comme l'opinion publique américaine, et qui appelait la guerre du Vietnam la guerre sale. Donc l'opinion publique américaine avait exactement le même point de vue que l'opinion publique française. Donc il y avait des parallèles entre l'Indochine et la guerre du Vietnam. Les Américains ont été trop arrogants pour comprendre le caractère inévitable de la guerre telle que cela avait été prévu en quelque sorte par les Français. Mais le paradoxe, Ken Burns, c'est que les Américains se sont toujours dit du côté des indépendances. Pourquoi sont-ils donc finalement entrés dans cette guerre ? Là encore, on est face à un dilemme. À mon sens, on est enclin, d'un point de vue naturel et historique, à se mettre du côté de ceux qui cherchent l'indépendance. Ça fait partie de notre expérience coloniale, en quelque sorte, paradoxalement. Mais ce qui va à l'encontre de cette tendance qu'on a à soutenir les Vietnamiens contre les Japonais, ce que l'on a fait au début, en partant du principe que dans le nouvel ordre mondial, après la Seconde Guerre mondiale, les colonies allaient disparaître, c'est ce que l'on disait, du côté de Staline et de Roosevelt avec Churchill, les empires allaient donc décliner. Mais avec la guerre froide, il a été imposé des nouveaux rapports Et donc, il y a eu une espèce de menace d'entrer dans l'orbite soviétique si les Américains n'aidaient pas ce qui restait de l'empire colonial français. Donc, le Vietnam, à terme, est devenu une espèce de procuration géopolitique. Et évidemment, c'était le terrain de bataille d'une nouvelle façon de faire la guerre, où il n'y aurait pas d'un Armageddon nucléaire qui serait la conséquence entre une grande guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis ou alors les États-Unis et d'autres forces communistes, mais la guerre serait donc livrée de manière semi-conventionnelle dans des lieux comme le Vietnam ou d'autres théâtres. C'est pourquoi nous avons tous, c'est pas simplement les Français ou les Américains, nous avons tous continué à faire cela. Les Français ont continué en Algérie, puis évidemment il y a l'Irak et l'Afghanistan, comme on le sait. Ken Burns, un de vos nombreux témoins dans ce film, dit que l'armée et le gouvernement ont fait cette guerre avec en tête la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle beaucoup des officiers supérieurs avaient combattu. Ce serait donc une question de mauvaise lecture de la situation de la part de l'armée américaine et des dirigeants américains que, d'être entré dans cette guerre et d'y être resté. You know what? I think this is a truth about all wars, and I think. Mais je crois que cela est vrai pour toutes les guerres. Very, you know, celebrated maxims about a war. One of which is that all plans fall apart the second the shooting starts. But I think it's very clear that on dit que tous les projets s'effondrent dès que la première balle est tirée. Mais à n'en pas douter, dans tous les cas de figure, pratiquement, et dans le cas de pratiquement tous les pays, on livre la guerre actuelle en fonction de ce qui a fonctionné lors de la guerre précédente. Les Américains, ayant été victorieux avec les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, était arrivé à une sorte de stabilisation en Corée avec des armes conventionnelles, était parti du principe que la grande activité guerrière sur le territoire vietnamien serait donc une guerre conventionnelle. Mais les Viet Cong et les forces contre les États-Unis n'avaient aucune intention de mener une guerre conventionnelle avant d'arriver à un système de parité. Et il a fallu évidemment attendre une dizaine d'années pour cela. Ken Burns, dans cette série, vous utilisez un type particulier d'archives sonores, par exemple les conversations téléphoniques entre des présidents, le président Johnson ou le président Nixon, et des ministres comme par exemple McNamara, le ministre de la Défense. Est-ce que vous pensez que cela change la lecture de cette guerre selon vous ? Oh, very much so. Ah oui, I think we have grandement. A great gift with the recording. Je crois que les enregistrements de Johnson et de Nixon sont très précieux. Ils avaient mis en place des systèmes d'enregistrement secrets, mais ils les ont oubliés, ils les ont mis de côté. Alors évidemment, c'est un cadeau du ciel pour les gens qui s'intéressent aux archives sonores. Donc vous avez la version vue d'en haut, carrément du bureau ovale. Donc là, vous avez le point de vue abstrait, intellectuel, les considérations pratiquement philosophiques avec toutes ces décisions qui accompagnent l'expérience du soldat sur le terrain. Et évidemment, le président devient très humain. Donc si Johnson dit une chose à l'opinion publique, puis qu'on entend un enregistrement d'un échange téléphonique qui contredit ce qu'il dit dans un discours, eh bien c'est extrêmement puissant comme archive. Et ça nous aide ô combien à raconter l'histoire. Donc on montre les angoisses de Lyndon Johnson. On montre un petit peu comment il essaye de calculer les choses. Il y avait par la suite Nixon et Kissinger avec des propos de réel politique qu'on n'entendait pas du tout dans leurs propos face au peuple américain. Et à mon sens, ces archives-là sont incroyablement intéressantes. Ça rend les présidents très humains d'une certaine façon. Et ça dissipe la distance que l'on a dans le cadre d'une abstraction qui est celle qui nimbe toutes les conversations de haut niveau en matière politique et ainsi de suite. Là, dans ces conversations téléphoniques, on comprend comment l'esprit du président fonctionne. On le voit réfléchir en quelque sorte. Alors évidemment, c'est ô combien révélateur et très fascinant. Ken Burns, vos témoins semblent penser que la guerre était perdue très tôt. Ils évoquent même, pour certains, la date de 1965. Pourquoi donc cette guerre du Vietnam a-t-elle continué pendant 10 ans encore ? Laissons le soin à d'autres de se prononcer là-dessus. Il y a dans le film des personnages qui disent que, à certains moments, la guerre aurait pu être gagnée. Et évidemment, certains disent que Creighton Abrams aurait pu remplacer Westmoreland, et avantageusement. Tout cela, ce sont des conjectures et uniquement des suppositions. Néanmoins, l'expérience française nous a montré ce qu'il allait arriver. C'est comme si vous étiez dans une voiture sur l'autoroute et vous voyez un panneau qui dit « il n'y a plus de pont dans 3 km » et pourtant on continue. Et puis on vous dit « il n'y a plus de pont dans 2 km, dans 1 km » et on continue. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe, il n'y a pas de pont. Et on se retrouve dans l'eau, au mieux, ou dans une catastrophe comme ça. Et il y a eu tellement de panneaux qui nous ont prévenus sur la route du Vietnam. Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon n'en ont pas tenu compte. Ils ont continué. Et dans le film, dès le début, on explique cela. On explique que les États-Unis n'avaient pas d'objectif. Et on n'a pas eu, nous, à réitérer l'absence d'objectif. C'est patent. Et dès le début du film, on explique que trop de décisions ont été prises sur le plan politique. En réalité, ce sont des fins électoralistes qui ont présidé aux décisions de la Maison-Blanche. Lorsque ce genre de décision est prise de manière infondée, c'est-à-dire sans la véritable connaissance de la situation militaire sur le terrain, là, évidemment, on peut être confronté à des problèmes et on peut comprendre pourquoi ce qui se passe mal en 1965 ne va pas se passer mieux en 1973. Merci beaucoup Ken Burns. Je rappelle que votre série donc Vietnam est diffusée à partir de cette semaine sur la chaîne Arte, une excellente série en 9 épisodes qui nous raconte l'entièreté de cette guerre du Vietnam depuis la présence française en Indochine jusqu'à la reddition à Saïgon et le départ des troupes américaines de Saïgon en 1975. Merci beaucoup. Oh, thank you very much. Have a good day. Quand le succès est déterminé par le nombre de morts, on a tendance à recenser tous les corps comme ceux de soldats ennemis. On a tendance à vouloir entasser les cadavres. Et pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné, on est peut-être moins regardant quand on tire. Voilà donc pour cette série donc de Ken Burns et Lynn Novick qui sera diffusée à partir de demain soir sur Arte. L'entretien de Ken Burns était traduit pour nous par Xavier Combes. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bonjour à vous Pierre Grosser, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur chez Odile Jacob de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle qui revient entre autres sur le conflit vietnamien au milieu de bien d'autres conflits. Vous avez écouté cet entretien de Ken Burns et vous avez eu l'occasion de discuter même avec l'équipe de production de Ken Burns. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel travail documentaire? En quoi est-il neuf selon vous? En quoi apporte-t-il ou pas des nouveautés justement à l'historien que vous êtes? Alors au-delà de dimension émotionnelle qui est très forte, et c'est une des spécificités de Burns, il y a vraiment des apports que l'on retrouve d'abord à partir des conseillers historiques de ce documentaire, et notamment tout ce qui se passe au Nord-Vietnam, c'est-à-dire que tout n'est pas dirigé par Ho Chi Minh, au contraire, on voit bien qu'il est très largement marginalisé, surtout dans les années 60, et donc il y a des grosses tensions au Nord-Vietnam, voire des gens qui voudraient arrêter la guerre en 1967, et puis l'autre nouveauté, même très grande nouveauté, c'est de tenir compte enfin du Sud-Vietnam. Alors c'est fait pour la période de la guerre du Vietnam, c'est important aussi d'ailleurs pour la guerre d'Indochine, on a tendance à oublier ce que c'était que ce Sud-Vietnam, oublier la dimension Union française de cette guerre. Et là il y a vraiment, par des interviews et aussi par des synthèses historiques souvent de très très bonne qualité, beaucoup de choses qui sont à mon avis nouvelles pour un spectateur qui a l'habitude d'avoir le face-à-face finalement entre des présidents américains et Ho Chi Minh. Anaïs Quien. Vous parlez de cette disparition, d'une certaine façon, d'Ho Chi Minh comme le grand leader, comme la grande figure qu'on utilisait jusqu'à présent pour raconter cette guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, Pierre Grosseur, vous notez aussi à quel point, finalement, Ho Chi Minh va être très, très puissant à l'extérieur du Vietnam en inventant, c'est vous qui le dites, en inventant le soft power et l'influence sur toutes les opinions mondiales qui vont influer sur les décisions politiques depuis l'extérieur du théâtre des opérations. Alors, le terme soft power est un tout petit peu abusif. Là, le soft power est né en Asie aussi, puisque c'est un Américain, pour parler du Japon, enfin, dire que le Japon n'avait pas de soft power, à part manga, sushi, karaoké et Hello Kitty, a inventé ça en 1990. Mais ce qui est important, c'est la diplomatie publique, qui a été très, très importante pour les Vietnamiens, pour essayer à peu près partout dans le monde, à la fois dans les démocraties occidentales, mais aussi dans les pays du tiers-monde, d'avoir des soutiens dans leur lutte, d'avoir des pressions sur les dirigeants. Et puis aussi, ils ont eu l'impression d'être les vrais modèles de la révolution. C'est-à-dire que, en gros, les soviétiques, certes, les communismes de Russie ont fait un petit peu de guerre civile, un peu de guerre contre des interventions étrangères, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Les Chinois aussi, il y a eu un petit peu d'intervention américaine, enfin en tout cas de soutien américain à Chiang Kai-shek, mais ça a été relativement modeste. Alors que les Vietnamiens ont battu une puissance coloniale, d'accord, ce qui est quand même pas rien avec Dien Bien Phu, et après on fait face à la plus grosse puissance militaire du monde qui a mis quand même de gros moyens contre le Vietnam. Donc finalement, le Vietnam était quand même, finalement, à la fois par son système révolutionnaire, par sa manière de faire la guerre et par sa lutte quand même assez largement solitaire dans le discours, dans la réalité c'était autre chose, un modèle pour les pays du tiers-monde. Et je montre dans le livre que justement ça a inspiré beaucoup de mouvements révolutionnaires dans le tiers-monde. Ho Chi Minh, comme chantaient les manifestants en Europe occidentale dans les années 60 et au début des années 70. Alors, la grande vertu de votre travail, Pierre Grosseur, l'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, chez Odile Jacob, c'est que vous élargissez encore un peu plus le cercle par rapport à ce qu'a fait Ken Burns dans sa série, c'est-à-dire que, malheureusement, je pense que ça a été peut-être difficile pour Ken Burns de rencontrer des dirigeants chinois. Il aurait peut-être été utile de rencontrer des dirigeants chinois, mais je pense qu'ils donnent peu d'interviews sur leur stratégie des années 60 et 70 au Vietnam. Mais vous replacez justement ce conflit vietnamien dans une plus longue histoire, une histoire qui donc prend en écharpe toute l'Asie en particulier, du Japon jusqu'à la Russie, en passant par la Chine et tout le sous-continent du sud-est asiatique. Et vous expliquez qu'effectivement, ce conflit cristallise justement des conflits internes multiples avec des changements de stratégie à l'intérieur d'alliances qui apparaissent parfois comme évidentes, des alliances entre le communisme soviétique et le communisme chinois qui ne sont pas si évidents que cela. Oui, c'est l'idée, c'est de montrer pour la période de post-guerre, enfin de la période de la guerre froide, après pour tout ce qui est avant 1945, c'est de montrer que la vraie rivalité c'est entre l'Empire britannique et l'Empire russe, et que entre Russie et Japon, et ce qu'on oublie souvent, c'est ça qui détermine les deux guerres mondiales. Mais pour l'après, c'est que la guerre froide n'est pas, comme on le dit trop souvent, uniquement une affaire bipolaire, une affaire entre Américains et Soviétiques. Et c'est pas non plus seulement une lutte entre deux modèles idéologiques, sociaux, etc., etc. D'un point de vue, entre guillemets, géopolitique, on a une tripolarisation du système international avec la Chine, hein, États-Unis, Union soviétique, Chine, une vraie rivalité entre Chine et États-Unis dans le tiers-monde, donc celle qu'on connaît aujourd'hui n'est pas tout à fait nouvelle, et au-delà de ça, même de cette tripolarité, on a une vraie rivalité entre soviétiques et chinois pour tout le mouvement communiste international, avec des impacts fondamentaux en Europe de l'Est, hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Europe de l'Est a implosé, et puis une rivalité dans le tiers-monde entre chinois et indiens. Donc finalement, c'est beaucoup plus complexe que uniquement cet aspect bipolaire. Et juste en un mot, sur la dimension, disons, de rivalité idéologique, en fait, en Asie, vous avez entre Union soviétique et Chinois, entre Chinois et Vietnamiens ensuite, etc., finalement, des régimes communistes qui s'affrontent et qui se font la guerre. Donc, si vous voulez, l'idée que finalement ce sont deux... La théorie des dominos, le containment, etc., voilà. Qui étaient des idées assez simples. C'est du côté américain, mais c'est voilà, beaucoup plus compliqué, ouais. À partir du moment où le bloc communiste est absolument pas un bloc et a commencé à imploser justement en Asie. Anaïs Kien. Il y a deux aspects vraiment très intéressants, notamment dans l'introduction de votre ouvrage, Pierre Grosseur. D'abord, vous repoussez la notion d'histoire globale, d'histoire mondiale, qui est très très très tendance en histoire aujourd'hui, mais aussi vous vous intéressez à la définition de cette Asie. Qu'est-ce que l'Asie et qui est asiatique? Et on voit des jeux de pouvoir sur les questions de définition à l'intérieur même de ce grand ensemble asiatique pour désigner son autre asiatique. Alors, d'abord, l'histoire globale ou mondiale, je la mets pas de côté, je la critique pas, j'ai dessus, je veux dire, à partir du moment où un internationaliste a toujours travaillé sur le mondial, je veux dire, je vais pas critiquer le mondial. Internationaliste, pas prolétarien, un spécialiste des relations internationales. Spécialiste des relations internationales, merci de préciser. mais, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui de voir que ceux qui font de l'histoire mondiale ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire des relations internationales, qui est absolument fondamentale pour la globalisation. Et d'une certaine façon, il faut bien voir que pendant pratiquement tout le XXe siècle, que vous soyez russe, enfin, que vous soyez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg auparavant, que vous soyez à Londres, que vous soyez à Paris ou vous soyez évidemment à Washington, vous avez une vision stratégique globale. C'est aussi un reproche que je fais de temps en temps quand on analyse aujourd'hui les crises en Corée ou ailleurs, c'est qu'on se focalise sur une région au lieu de dire que la crise en Corée, c'est les problèmes chinois, les problèmes entre chinois, le problème de la Russie, le problème iranien, etc. C'est le problème de l'OTAN. Voilà, c'est tout ça en même temps. Et ben, la question mondiale et l'histoire mondiale doit s'appuyer sur les relations internationales qui structure quand même très largement le paysage international. Ça, c'est la première chose. Après, pour ce qui est de la définition de l'Asie, c'est bien sûr très largement des définitions occidentales au départ, Asie ou Extrême-Orient. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque en ce moment, les Russes sont en train de réfléchir pour savoir si leur région plus occidentale va toujours s'appeler la Russie d'Extrême-Orient ou l'Asie Pacifique. Ce qui évidemment voudrait plus orientale aussi. Voilà, ouais. Mais avec le terme Pacifique qui évidemment dire nous sommes une puissance du Pacifique. Et donc c'est en fait les Occidentaux ont toujours eu peur d'être rejetés d'Asie après l'avoir en partie dominée. Et ça court pendant tout le livre, la peur par les Japonais, puis par les Chinois, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on revient à la vision large finalement que j'essaye de garder pendant tout le livre. C'est cette notion d'Indo-Pacifique qu'on retrouve avec les Indiens, qui a été pris maintenant par la stratégie française, c'est-à-dire en gros pratiquement des côtes orientales de l'Afrique jusque l'Australie, voire alors, évidemment la Nouvelle-Calédonie pour la France. Une des surprises que l'on peut avoir quand on s'intéresse à cette guerre du Vietnam et que l'on découvre aussi bien d'ailleurs dans le travail de Ken Burns que dans le vôtre, Pierre Grosser, c'est de considérer effectivement combien cette guerre a ramassé, cristallisé, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de conflits qui étaient latents entre d'autres puissances voisines, mais aussi a touché considérablement les pays les plus proches, les plus voisins. Quand on vous lit, on apprend que les Thaïs, évidemment, ont été enrôlés dans une guerre secrète de 15 ans par la CIA, ils ont péri en masse, que les Laotiens ont perdu 10% de leur population pendant la guerre du Vietnam, alors que théoriquement, ils n'étaient officiellement pas touchés par cette guerre. Mais évidemment, comme les militants du Nord-Vietnam passaient par le territoire laotien, étaient bombardés sur ce territoire laotien par les bombardements américains, ils ont beaucoup subi de dégâts. Mais aussi, vous élargissez à le reste de l'Asie et en particulier à l'Indonésie en expliquant qu'on ne peut pas expliquer les massacres qui ont été commis contre les communistes indonésiens, entre 500 000 et 1 million, ce qui est énorme, de personnes qui sont assassinées en 1965-1966, si on ne comprend pas justement que ça peut être en lien avec la stratégie américaine, avec la stratégie chinoise, avec ce qui se passait au Vietnam à la même époque, Pierre Grosser. Oui, il faut bien voir que dans l'histoire, on raisonne aussi à l'échelle mondiale. Comme nous, on a des informations qui arrivent sur le monde entier, qu'on a l'impression qu'il y a des ambiances un peu particulières. Et vous aimez bien ce terme d'ambiance. D'ambiance, oui, c'est je l'emprunte à Jean-Baptiste Durosel, qui est le grand maître des relations internationales, et je trouve qu'elle est très. Enfin, quand on suit les relations internationales, on voit bien le changement d'ambiance au début 2017 pour la France et l'Europe par rapport à ce qu'il y avait en 2016. Bon, donc c'est des choses que n'importe qui peut vraiment sentir. Et là, finalement, on avait dans la première moitié des années 60 un grand progrès des forces révolutionnaires. Il y avait une certaine inquiétude un peu partout, que ça soit en Amérique latine, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie. Et on a au contraire vu par Moscou, vu par Pékin, l'impression d'une espèce de grande vague contre-révolutionnaire au milieu des années 60, avec ce qui se passe en Indonésie, vous l'avez raconté. Mais donc, aussi la prise de pouvoir d'un général Suharto. Suharto et la chute de Sukarno, donc voilà. Qui était quand même quelqu'un qui était très proche des chinois et qui était un grand leader du tiers-monde, tout à fait. C'est aussi l'intervention République dominicaine par les Américains, une intervention militaire quand même lourde. L'arrivée au pouvoir de Mobutu, quand même très poussée par les Américains au Zaïre, on disait à l'époque. Ce qui va devenir le Zaïre, oui. Etc. Donc je ne vais pas faire toute la liste, mais elle est très très longue. Et finalement, la guerre, l'intervention américaine au Vietnam était comprise comme un maillon de cette contre-révolution globale. Anaïs Kien. Et puis, on a expliqué peut-être le statut de cette intervention américaine, mais pas celle de l'initiative vietnamienne aussi, puisque cette guerre qui redémarre avec les États-Unis en 64-65, elle est motivée du côté vietnamien par une opportunité, justement une ambiance favorable, et également mise en confiance par les premiers essais nucléaires chinois en 64. Alors tout à fait, d'ailleurs ça fait partie des débats aujourd'hui sur le nucléaire nord-coréen, de faire la comparaison avec 64 en Chine, et une des raisons pour lesquelles les Américains aussi sont intervenus, c'est parce qu'ils avaient l'impression qu'à l'abri du nucléaire chinois, eh bien les mouvements révolutionnaires allaient pouvoir progresser. Et les mouvements révolutionnaires eux-mêmes y croyaient. Et les mouvements révolutionnaires effectivement y croyaient, qu'il y avait une ambiance qui était relativement favorable donc au début des années 60, ce que je disais tout à l'heure, et donc l'initiative de la guerre est quand même très largement une initiative nord-vietnamienne, avec des vrais débats et des vrais affrontements, parce que les débats terminent aussi par des purges de temps en temps dans un pays communiste, de savoir s'il fallait d'abord consolider le régime au nord pour ensuite faire l'unification, ou alors s'il fallait d'abord tendre la main à ceux qui, au sud, étaient la victime de la répression du régime sud-vietnamien. Et donc, c'est plutôt des gens, d'ailleurs, venus du Sud en 1954 jusqu'à Hanoï, le Duan en particulier, mm-hmm. qui ont remporté le débat, pour aller vite, et qui se sont appuyés aussi, ont joué sur le conflit sino-soviétique et ont profité finalement de la rivalité sino-soviétique pour avoir le plus d'armes possible, voilà. Et avoir le soutien des deux grandes puissances. Alors c'est ça, le soutien en armes de la part de l'Union soviétique, qui est très, très avancé dans le domaine militaire, et soutien en vélo, en vivres, en vêtements de la part quelques armes de la part des et en munitions de la part des Chinois, et en jouant toujours de façon très habile sur cette rivalité que vous avez décrite, donc soviéto-chinoise pendant ces années-là, en soufflant le chaud un jour pour les uns et en soufflant le froid le lendemain. Donc il y avait une véritable stratégie nord-vietnamienne d'utiliser ces soutiens qui étaient en rivalité les uns avec les autres. Alors, stratégie, je suis pas tout à fait sûr que c'était pensé exactement de cette manière-là, parce qu'au départ, ils ont été très gênés par la rupture sino-soviétique. Ce qu'ils auraient voulu, c'est d'avoir les deux, finalement, qui soutiennent de concert. Or, ils sont aperçus que les deux se marchaient sur les pieds. Aussi, par exemple, les Chinois empêchaient un certain nombre d'aides de circulation de matériel, parce que ça passait par leur territoire, et donc ça les affaiblissait. Qu'il y avait évidemment une surenchère des deux côtés. Et finalement, que les Chinois ont été tellement obsédés par la présence soviétique au Vietnam que c'était plutôt ça qui les intéressait. Et du coup, ça a amené quelque chose d'absolument fondamental, c'est-à-dire que les Vietnamiens, qui étaient plutôt pro-chinois, pour aller très très vite, sont devenus pro-soviétiques, et se sont alliés avec l'Union soviétique en 78, ce qui a donné la dernière guerre classique en Asie, c'est-à-dire entre la Chine et le Vietnam. On aurait pu croire que l'Union soviétique allait perdre cette guerre du Vietnam au début des années 70. Au moment du rapprochement, justement, entre les États-Unis. Oui, parce que ça donnait l'impression que finalement, ils discutaient avec les Américains pendant que les Vietnamiens se faisaient bombarder. Et ce que je montre dans le livre, c'est que les Soviétiques ont finalement relativement bien joué, parce qu'on a eu l'impression que c'était eux qui avaient été les grands aides. Et d'un autre côté, finalement, les Vietnamiens sont rentrés dans le camp soviétique. Alors, si les Soviétiques ont relativement bien joué, on peut dire tout de même que les Américains ont relativement mal joué dans cette façon de combattre le communisme dans la péninsule indochinoise. Qu'est-ce qui explique, c'est ce que se pose comme question aussi, c'est une obsession, les Américains et en particulier Ken Burns dans sa série, qu'est-ce qui explique que par exemple en 1965, alors que c'est la théorie de Ken Burns, visiblement tout le monde pense que c'est un bourbier, qu'on va y rester, beaucoup à part les militaires pensent qu'on va y rester, il continue à s'investir encore plus, à envoyer plus de troupes. Et vous dites, vous parlez, vous, Pierre Grossaire, de l'arrogance américaine en 1965, qui aurait pu choisir, dites-vous, la neutralisation ou l'ouverture des négociations plutôt que d'envoyer plus de troupes pour pouvoir combattre les Nord-Vietnamiens dans cette région du monde. Alors, l'arrogance est une des explications, c'est pas la seule que je donne, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison de parler de ce terme-là, qui est utilisé, l'hubris. D'ailleurs, il y a un hubris, une arrogance du Vietnam aussi, hein, qui pense qu'il peut gagner très facilement, et lors de l'offensive du Tet en 1968, qui va être un échec. Ça va être une vraie arrogance aussi, c'est-à-dire on va arriver à pousser finalement par une victoire les Américains à partir, et les Sud-Vietnamiens finalement à baisser la tête. Donc, il y a une certaine arrogance, mais il faut bien voir, et ça, c'est d'abord, c'est traditionnel aux États-Unis, ce qu'on appelle la can-do mentality, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire, de transformer l'Irak, Yes we can, etc. Qui est donc des biens partagés dans les deux camps. C'est-à-dire que voilà, c'est la plus grande puissance du monde, donc elle est capable de faire un Sud-Vietnam viable. D'autant qu'ils ont réussi à faire une Corée du Sud viable, donc et voire un Taïwan viable. Donc évidemment, c'est aussi ça repose sur une certaine réalité. Et donc on n'imagine pas qu'ils vont pas réussir. Les Français, eux, c'était des sales colonialistes. Donc c'était un peu logique qu'ils échouent, ils ne pouvaient être que rejetés par la population vietnamienne. Alors que les Américains sont du côté de la liberté. Voilà, donc ils ne pouvaient qu'être acceptés au Vietnam. Donc cette arrogance a été un élément essentiel. Mais je crois qu'un des éléments vraiment fondamentaux, c'est la notion de crédibilité sur laquelle je développe aussi. Et c'est très important parce qu'on en a beaucoup parlé sur cette affaire d'Obama en Syrie, etc., en disant il perd sa crédibilité, Mais à force de vouloir restaurer sa crédibilité, montrer qu'on est crédible, eh ben on s'enlise. Et finalement, c'était très difficile d'enlever des troupes après avoir eu des morts vis-à-vis des alliés, un japonais ou autre. Et donc, il fallait maintenir sa crédibilité. Et on a vu qu'ils ont finalement perdu leur crédibilité à l'arrivée. Anaïs Kien. Il y a une autre dimension que vous soulignez et qui me paraît vraiment, vraiment intéressante, Pierre Grosseur, c'est la façon dont cette guerre du Vietnam va transformer le système politique américain en lui-même. À partir du moment où, au début, en tout cas pour le début de cette guerre-là, le pouvoir législatif cède finalement son pouvoir à la présidence, au président Johnson, en lui donnant des pouvoirs discrétionnaires sur cette guerre qui recommence, qui redémarre au milieu des années 60. Oui, alors cette question de l'évolution du système politique américain, on le retrouve aujourd'hui avec l'autorisation d'utilisation de la force militaire, finalement un texte de 2002 qui permet de faire la guerre dans beaucoup de pays qui n'ont rien à voir avec la version initiale. Donc ça a été le premier grand moment où face à la présidence impériale, le Congrès s'est affirmé. C'est le moment où on a commencé à énormément douter, et on en voit les conséquences encore aujourd'hui, de la véracité de ce que dit un président. Beaucoup plus qu'auparavant. C'est quand même des choses qui sont importantes. Richard Nixon en a fait les frais. On a fait les frais, mais voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui de théorie du complot, etc., qui est née avec l'assassinat de Kennedy, mais dans toutes ces années-là, on réfléchit beaucoup en ces termes-là. Ça a quand même changé complètement la polarisation idéologique, avec quand même tout un discours de gauche pour critiquer le pays, les États-Unis, pour dire que aux États-Unis même, hein, pour dire que les États-Unis sont un pays raciste, expansionniste, impérialiste, etc., etc. C'était quand même très, très, très, très, très minoritaire auparavant. Et là, notamment dans les universités, ça a dominé dans les années 60-70. Donc, les conséquences majeures sur la place des militaires, par exemple, aux États-Unis, vous allez, j'imagine, parler de Rambo quand vous parlez des films. On voit cette image d'un militaire qui est complètement abattu, marginalisé, etc. Aujourd'hui, la place des militaires, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'ils sont des héros, j'allais dire, naturellement. Et je veux dire, c'est eux qui embarquent dans les avions les premiers, etc. Ce sont des héros. Donc il y a vraiment des transformations majeures aux États-Unis même, issues de la guerre du Vietnam. Oui, et puis vous expliquez que cette guerre du Vietnam n'a pas eu simplement des conséquences sur l'esprit américain, comme on vient de le dire, mais aussi sur le système monétaire international. Vous dites que une des grandes conséquences de la guerre du Vietnam, c'est la fin, dites-vous, du système de Bretton Woods. C'est-à-dire, en gros, ce qui a été inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir réguler les échanges financiers internationaux, vous dites, c'est les premiers pas de la dérégulation financière qui serait, selon vous, Pierre Grosseur, liée à cette guerre du Vietnam. Oui, bien sûr, avec évidemment le coût de cette guerre du Vietnam, ce qui a évidemment posé des problèmes. Des milliards de dollars en 1966 de la part des Américains, 27 milliards de dollars en 1969. Oui, et puis ça s'est pas complètement arrêté après, mais donc la question monétaire étant liée aussi aux questions des relations transatlantiques, ça a eu des conséquences. Dans les relations avec le Japon, qu'on continue à protéger, parce qu'on a aussi dit qu'on faisait la guerre au Vietnam pour que le Japon puisse faire sa croissance tranquillement. Mais à ce moment-là, évidemment, évidemment, on a essayé d'avoir des compensations sur les questions commerciales. Et là, on le voit aujourd'hui encore que le stratégique et le commercial ont parfois des liens. Ah oui, parce qu'il fallait pas non plus que les Japonais envahissent le marché américain. On profite et, trop. Et touchent les producteurs américains, en particulier d'audiovisuel à l'époque. Et donc, il a fallu freiner aussi les appétits. Ce qu'on n'est pas arrivé à faire, c'est pour ça que M. Trump, dès la fin des années 80, disait que le Japon avait honteusement profité de l'alliance américaine. Donc, et puis sur la question des régulations financières, tout à fait, c'est parce que le fameux marché de l'euro-dollar, hein, enfin ça s'est fait du xéno-dollar, puisque c'était à Londres qu'il existait, eh bien ça, c'était parce que les entreprises multinationales américaines ont cherché finalement des échappatoires aux régulations mises en place par les Américains pour faire face aux défis monétaires et financiers de la guerre. Anaïs Kien. Et puis il y a aussi un coût humain et une influence de cette expérience de la guerre du Vietnam pour ceux qui auront milité contre cette guerre, mais aussi pour tous ces vétérans vietnamiens, vétérans américains qui rentrent par la suite et qui vont intervenir, y compris pendant cette guerre du Vietnam. On découvre dans la série de Ken Burns ce très jeune John Kerry qui intervient devant une commission parlementaire pour dire à quel point il est urgent de mettre fin à cette guerre. Oui, on a quelques témoignages extrêmement intéressants de militaires américains qui ont cru, qui ont beaucoup tué, et qui expliquent pourquoi ils ont beaucoup tué, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Enfin, nous, en France, on a une historiographie qui l'a expliqué depuis longtemps. Mm-hmm. Et puis, de voir que petit à petit, il y en a qui ont basculé dans le camp des anti-guerres. Et ce qui est intéressant, je pense, quand on regarde finalement, l'héritage de cette guerre, c'est que finalement, ce n'est plus du tout un élément positif d'avoir fait cette guerre, parce qu'on voit que Kerry n'a jamais été président, il a pas pu, McCain n'a pas été président. Et on lui a même reproché de ne pas avoir été un assez grand héros, c'est ce que a dit Trump lors des élections précédentes. Non, mais c'est quand même très étrange. Vous avez raison. Effectivement, s'attaquer à un héros américain comme était McCain, c'était quand même très gonflé de la part de Trump. Oui, et à côté de ça, il y a des images assez intéressantes dans le documentaire pour rappeler que dans la guerre nationale, c'est-à-dire de ceux en gros blancs qui ne partiraient pas, il y avait un Clinton, il y avait un George W. Bush qui ne sont jamais partis. Et eux ont été élus. Ouais. Mais il y a véritablement un déni face à cette expérience qu'on cache immédiatement après cet échec. C'est-à-dire que les leçons qu'on pourrait tirer de cette guerre du Vietnam, les échecs de, ne serait-ce que dans la propagande pro-américaine au cours de cette guerre-là, n'agissent pas sur la suite des événements et éventuellement sur l'accélération de la fin de la guerre froide. Alors, il n'y a pas vraiment un déni. C'est-à-dire que les Américains essayent de se débarrasser un petit peu de l'Asie, ce que je montre dans mon livre, et de s'appuyer en fait sur la Chine, qui va contenir l'Union soviétique et aussi punir le Vietnam. Donc ça, c'est les accords 72. Voilà, c'est les années 70 et même dans les années 80. Les Américains gardent leur système, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés à enlever leurs troupes, par exemple, Carter n'est pas arrivé à enlever les troupes américaines de Corée du Sud. Donc, en gros, le système reste à peu près en place. Mais le gros du boulot, c'est la Chine qui est censée le faire. Et ça, c'est très, très important pour, évidemment, l'avenir de la guerre froide. Après, les Américains, évidemment, ont une période de trous, hein. D'ailleurs, on compare souvent Obama et Jimmy Carter, les années 70, qui étaient très dures, et aujourd'hui encore, un certain déclin américain, qui, je pense, c'est... faut pas exagérer, mais en tout cas, on le met sur le dos d'Obama. Mais à côté de ça, vous pouvez pas comprendre Reagan, vous pouvez pas comprendre les interventions, par exemple, à Grenade en 1983. Si vous voyez pas, on veut laver le Vietnam. Donc, la réaffirmation de la virilité américaine, de la force américaine. D'ailleurs, la question d'intervention au Vietnam, c'était aussi lié à la virilité. Il y a quand même une image très célèbre de Johnson quand on lui demande pourquoi vous êtes intervenu au Vietnam, pourquoi vous partez pas, où il baisse sa braguette en disant à cause de ça. Bon, c'est quand même quelque chose de très, mais c'est raisonné en ces termes-là. Surtout que lui, il avait l'image tutélaire de Kennedy, la crise de Cuba, l'homme viril, etc., etc. Donc, la reconstitution de la vérité américaine à l'époque de Reagan est liée à cette impression de dévirilisation des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Et quand on vous lit dans L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, Pierre Grosser, chez Odile Jacob, on est surpris, par exemple, je m'en souvenais pas du tout de cette histoire-là, du fait que les Black Panthers, Vont aller faire un petit tour du côté de la radio de Hanoï, donc et faire des communiqués, donc pour dire qu'il faut mettre fin à cette guerre et que Eldridge Cleaver, qui est un des leaders des Panthères Noires, va même vendre des petits livres rouges de Mao pour financer l'achat d'armes, dites-vous, par le mouvement Black Panthers dans les années 60, fin des années 60 et début des années 70, ce qui est quand même très intéressant parce qu'il y a aussi cette dimension raciale que sur laquelle d'ailleurs insiste aussi Ken Burns dans sa série sur le Vietnam. Ceux qui, vous l'avez dit, arrivent à rester dans la garde nationale sont plutôt blancs et ceux qui partent au Vietnam sont plutôt noirs ou chicanos ou d'autres origines. Enfin, il y a une surreprésentation par rapport à la, ouais. Par rapport à la, oui, tout à fait. C'est, ils sont, il y a même des contacts avec la Corée du Nord, ce qui est assez, oui. Ce qui est toujours assez, étonnant. Avec, ouais, avec le grand leader de la Corée du Nord de l'époque. Voilà. Le grand-père de celui qui est à la tête de la Corée du Nord aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Et, mais oui, pour, effectivement, les Black Panthers, il y avait l'impression que les Américains, en fait, enfin, le gouvernement américain, envoyait les noirs les plus j'allais dire les plus forts, ceux qui étaient les plus capables de combattre dans les jungles, dans la jungle vietnamienne, pour s'y faire tuer ou en tout cas les occuper très très loin, alors que s'ils étaient dans les rues américaines à combattre pour le droit des noirs, ça serait évidemment un autre problème, puisqu'il y a déjà des vraies émeutes, hein, puisqu'il y a des dizaines et dizaines de morts. Il y a des images très saisissantes dans le documentaire sur l'émeute de Détroit par exemple de 1967. Mais c'est seulement une impression. Je pense pas qu'il y ait eu un calcul de ce type-là, honnêtement. Il y a dernière question, Pierre Grosser. Quand j'avais interrogé pour le documentaire, la série documentaire que nous diffuserons, dont nous diffuserons un épisode demain, un vieux Bodoy de Vietnam du Nord, un combattant du Vietnam du Nord, sur la capacité à résister au bombardement américain, il m'avait dit ils avaient la haute technologie, nous avions la haute technologie mentale. Et vous parlez de la bombe atomique spirituelle qui était par exemple le petit livre rouge de Mao à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, on a évoqué ça au tout début, une dimension soft power, une dimension de propagande très forte et qui a bien fonctionné dans ces années-là. Oui, après c'est assez difficile et c'est une question qu'on se pose depuis très très longtemps sur le Vietnam. Est-ce que c'était l'idéologie, l'endoctrinement, etc., c'est-à-dire le communisme qui était l'élément essentiel, ou est-ce que c'était tout simplement le nationalisme, où on se défendait. On n'arrivera jamais à sortir de cette question, il y avait les deux en même temps forcément. Voilà, donc vous êtes l'auteur, Pierre Grosser, de L'Histoire du monde se fait en Asie, publié chez Odile Jacob. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Un extrait du documentaire que nous entendrons demain dans la Fabrique de l'Histoire autour de la guerre des mots et des mots de la guerre pendant la guerre du Vietnam il y a 50 ans. Quel est le but de cette opération ? Alors, cette opération, ce matin, a pour but de détruire ou bien de chasser les Vietcong qui se trouvent à côté de province qui s'appelle Duc Hoa. Mais nous avons déjà abattu là plusieurs Vietcong dans la rizière. Ils nous ont tiré dessus. Ils ont tiré 3-4 balles. Ces Vietcong essayent de nous échapper. Seulement, c'était trop tard. Ils ont été obligés de nous tirer dessus. Et l'hélicoptère, ils ont descendu 5. Ça ne vous fait pas mal au cœur de voir des compatriotes à vous qui sont morts comme ça dans la rizière et qu'on tue tous les jours? Écoutez, c'est la guerre. Tuer ou être tué. Eux, ils reçoivent des armes des Chinois, des Russes. Et il faut bien en finir. Mais vous recevez des armes des Américains? Naturellement, parce que, écoutez, entre nous, Vietnamiens, on sait qu'on n'y peut rien. C'est pas nous qui décident cette guerre. Mais, puisque c'est la loi de la guerre, tuer ou être tué, si nous, nous ne les tuons pas, un jour ou l'autre, ils vont nous tuer. Yêu quê hương nên yêu người yêu kém người con gái ngồi mơ thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình. Les bombes à billes sont des petites bombes. L'une s'appelle bombe ananas, l'autre plus perfectionnée s'appelle bombe goyave. Ce sont des petites bombes grosses comme le poing et qui contiennent dans leurs parois des petites billes d'acier, 300 ou 200 billes d'acier. Et alors, ce sont des bombes typiquement antipersonnelles. Et j'ai pu remarquer qu'on avait lâché ces bombes sur les habitants, c'est-à-dire dans la campagne, dans les rizières, sur les écoles, sur les... J'ai photographié des bombes à billes dans des hôpitaux. Enfin, ça a été utilisé partout pour tuer les gens. Voilà un extrait du documentaire, donc de la série documentaire que nous avions réalisée il y a 20 ans avec Marie-France Thibault pour France Culture. Nous en diffusons donc un épisode demain qui s'intitule « Les mots de la guerre des mots » et nous discuterons mercredi non pas des mots mais des images, c'est cela? Absolument, et nous verrons à quel point cette guerre du Vietnam a été une guerre médiatique avec Marjolaine Boutet et avec Benjamin Stora. Et puis Rambo bien entendu. Et pour conclure jeudi, eh bien nous travaillerons sur les héritages. Sur les héritages, notamment les héritages stratégiques, c'est-à-dire que ce qu'a enseigné la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam aux différentes armées du monde. Et puis rappelons donc que la série de Ken Burns qui nous a servi de prétexte à cette série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la guerre du Vietnam, Ken Burns et Lynn Novick, est diffusée à partir de demain soir sur Arte à raison de 3 épisodes par soirée, demain, mercredi et jeudi. Voilà, une diffusion, bravo, diffusion en rafale de la série Vietnam, donc une fresque documentaire de Ken Burns et de Lynn Novick que nous vous conseillons. Comme d'habitude, cette émission de La Fabrique de l'Histoire a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Au droit d'auteur aujourd'hui, Elisabeth Gornescotto. À la technique, Jacques Azubert. Et à la réalisation, Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez la télécharger également sur ce site franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le site, sur Facebook, donc sur le groupe Facebook de La Fabrique de l'Histoire. Et puis nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de La Fabrique, c'est FabriqueFC. FabriqueFC, nous écrire également sur l'adresse fabrique@radiofrance.com.